L'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée dévoilant l'illégalité de la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'essai coréen d'explosion de l'ogive nucléaire de nature autodéfensive a été distribué le 13 courant comme dossier officiel de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU à 71 649 S 2016 1023.